des barricades protocolaires. Je maquille trop de colère, les molaires comprimés. Quand les choses les plus simples prennent des faux airs compliqués, alambiqués, intuition putréfiée, chaque élan pétrifié, l'insouciance tu méfies, je ne vois plus que les risques du métier. Quand Bill devient CDI à plein temps, la rétine et le tympan absorbés chaque instant par une technologie insondable, indomptable, car d'une complexité inconcevable. Je suis l'homme du troisième millénaire, un constat, je me dis libre, m'émène d'une vie linéaire où les routes sont d'un mieux parler, foulées d'une ombre. Nul besoin de condamner les sentiers de l'ombre. D'ailleurs, qui voudrait s'y risquer? Nul pas reste triqué, alors restons sur ces pavés briqués. Je suis l'homme du troisième millénaire. Je suis l'homme du troisième millénaire. Je suis l'homme du troisième millénaire. Je suis l'homme du troisième millénaire. Connecté à mes homologues par des rituels résiduels numériques, pourtant résolument individuels, j'entretiens un appétit gargantuesque pour les réseaux sociaux virtuels. Dans un carcan funeste, du coup fin en funérailles, propulsé sur des rails profondément vulnérables. Je n'existe qu'à travers les avatars, et le seul pouvoir que j'entrevois est le pouvoir d'achat. Le disque duré, saturé, le naturel, raturé, capturé dans une toile obturée. Manoïde plus qu'humain, un anonyme sur combien? Je ne suis qu'un électron en quête névrotique du butin, dans une jungle métallique et plastique où les micro-circuits font guise de centres névralgiques. Si la force économique a supplanté les autres, rien n'a supplanté la loi du plus fort.